Je suis en compagnie d'André Fortin. André Fortin qui nous présente un récent album des Colocs d'Art Novembre. André, quand on entre dans votre album, on entre avec la chanson Belzébuth, où le narrateur est un chat. Ouais. Est-ce que vous sentez, vous, à un endroit, vous dites je suis un félin insoumis? Est-ce que ça vous ressemble, cette image-là? J'espère. C'est ce que j'espère, tu sais, peut-être, plus que. Je sais pas si je suis exactement ça, là, mais bon. Mais je parle un peu à travers du chat, c'est sûr. Là. Sinon, ben ça serait juste un chat. Je sais pas exactement ce qu'un chat a à dire, tu sais. Mais bon, c'est un être humain qui parle à travers un chat. Voilà. Oui, ça me ressemble, c'est sûr. Martin. Il y a aussi un jeu de mots avec Belzébuth. Sa copine, Belle Elisabeth. Alors, ouais. sur le plan écriture, récemment, j'écoutais une critique d'Alain Brunet qui disait que vous étiez un des rares à être capable de faire jaillir autant de beauté, d'émotion avec un langage familier. Ouais, ben c'est dans... En fait, moi, je cherche les images, tu sais. Fait que je trouve qu'il y a des images assez fortes quand même. Les images peuvent être aussi fortes s'ils sont faites avec des mots familiers, justement. C'est pas nécessairement le lexique qui donne la force de l'image, pour moi. Comme dans une autre chanson, c'était André qui m'avait dit... j'ai rencontré quelqu'un sur la rue qui m'a dit... j'osais avec un peu, il m'a dit « Ouais, la vie c'est court, mais c'est long des petits bouts. » Fait que je trouve ça bien fort comme phrase, même si bon, c'est fait avec des petits bouts, c'est fait vraiment avec un langage qu'on entend, là, plus familier, c'est la langue parlée, mais je trouvais que dedans c'est bien riche comme figure de style, il y a comme un genre de contradiction dedans, puis il y a un raccourci étonnant, là, il a dit beaucoup avec juste une phrase, puis une phrase en fait en plus qui est bon, qu'on pourrait entendre de même. C'est comme créer une expression. Je sais pas, la vie c'est court, mais c'est long des petits bouts. Comme d'autres expressions, là, rendues au bout de sa vie, ou des trucs comme ça. Moi, j'aime bien ça, ces expressions-là. Dans cette chanson-là, un chat, c'est un animal qui a plusieurs vies. Et la chanson, justement, se termine avec le chat qui a des ailes et qui s'élève. Ouais. Et dans votre chanson, celle qui termine l'album, Dehors Novembre, le personnage, lui, a l'impression de vivre 4000 vies à travers des épreuves. Mais en fait, là, ça vient de, justement, avec Pat. Tu sais, Pat, on parlait souvent de son... du truc de la réincarnation, puis je trouvais ça, tu sais, en tout cas poétiquement, je trouvais ça vraiment le fun, tu sais, comme... puis comme vision, tu sais, cette vision-là, là, puis cette spiritualité-là, là, de plusieurs vies. Dans la première Belzébuth, là, par rapport à Belzébuth, puis la dernière, Dehors Novembre, il y a un petit rapport, tu sais. Parce que c'est un chat qui vit plusieurs vies, qui se réincarne, etc. Puis lui, il croyait à ça aussi, tu sais. Fait que c'est assez instinctif quand même, là, quand j'écris, des fois, c'est beaucoup plus tard que ma rencontre de quelqu'un. De différentes choses qui se retrouvent dans la chanson, tout cas, c'est peut-être inconscient, là. Mais il y a des rapports, des fois, il y a des choses qui se recoupent comme ça. T'sais. Dans ces deux chansons-là, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a l'importance de certaines valeurs, comme par exemple, vous dites « je vais où mon cœur m'appelle et... » Ouais, ben là, je pense, parce que, tu sais, l'idée de bonheur, tu sais, c'est ça reste des fois que j'ai dit dans l'auto tantôt, en joke un peu, je disais, le bonheur c'est une illusion, c'est le plaisir qui est vrai ou quelque chose comme ça, mais bon, c'est un paquet de plaisirs additionnés qui donne vraiment l'impression de vivre intensément, tu sais. Puis il y en a toutes sortes, je veux dire, c'est pas nécessairement des plaisirs extrêmes, c'est des petits plaisirs, je sais pas si c'est parce que je vieillis puis que je me rends compte de ça ou je sais pas quoi exactement là. Mais ouais, ça c'est quelque chose auquel, bon, en tout cas, auquel moi je tiens aussi, tu sais, de la spontanéité, quoi, de sentir vraiment ce qu'on est en train de faire ou de le faire avec enthousiasme, je sais pas, tu sais. Voilà. Ben, dans le chat, à travers le chat aussi, je donnais, si on, c'est après coup, une fois que c'est fait, on cherche une clé, là. Mais à un moment donné, je pense que le chat dit, j'ai beau faire une tête d'enterrement, il n'y a personne qui me prend au sérieux, je suis très jaloux, très secrètement, de la profondeur des malheureux, c'est tout, c'est le chat, puis c'était très spontané, ça, ce bout-là que j'ai écrit, tu sais. Je me disais, ben, j'avais l'impression, en tout cas, de dire quelque chose qui était assez proche de moi, là, assez proche de ce que je vivais, tu sais. Fait que je me suis fait poser la question, ben vous êtes un groupe, vous avez fait un album bien joyeux, le premier, puis celui-là, il est plus sombre, etc. Je disais, ouais, peut-être que ça a influencé ça. Tu sais, ça nous a influencé, ça m'a influencé en tout cas pour l'écriture de mes chansons à moi, là, de dire, ben, ouais, mais dans le premier album, il y avait quand même des chansons, des textes sombres, pareil. Parce qu'il y a une anecdote, là, qui, pour faire une petite parenthèse, là, j'avais, pour la première pochette, le Adam, qui a réalisé la première pochette, l'illustration, il a reçu les textes, puis il a pas reçu la cassette en premier. Puis il a fait l'illustration tout de suite, juste en lisant les textes. Puis son illustration, c'était quand même, il y avait du rouge, du noir, c'était plutôt sombre. Quand je l'ai reçu, j'ai dit, oh, c'est loin quand même de la musique qu'il y a, de ce qui se dégage de l'album, ça. Ah, il m'a dit la musique, je l'ai pas reçu, j'ai reçu juste les textes en premier. Puis je dis, ah ben c'est parfait d'abord, on va laisse la pochette comme ça. Au moins, on va peut-être avec cette pochette-là, ça va être le côté qui ressort pas du premier coup, si on nous voit en show. Mais bon, ce qui est ressorti pareil, c'était comme on faisait le party pareil quand on jouait, parce que la fête, ça reste quelque chose de bien important pour moi, t'sais. Est-ce que vous êtes senti prisonnier de un peu de cette étiquette-là? Est-ce qu'à un moment donné, c'est... Ben, je pense que n'importe quelle étiquette, on peut se sentir prisonnier de n'importe quelle étiquette. Si on veut, si on a le goût de naviguer, là, si on a le goût d'aller essayer toutes sortes de trucs, tu sais. Parce que, bon, l'important, c'est le résultat. Je me dis, bon, si je connais un groupe pour certains genres de chansons, que, oups, ils font autre chose, ou ils essayent d'améliorer ce qu'ils font, de rendre un peu plus. D'élargir ce qu'ils font, là. Ben, je me dis, c'est pas un problème, en tout cas pour moi, ça. Parce que, bon, il reste que, au bout du compte, on met le CD dans la machine, play, puis. Bon, ça fonctionne pour nous autres ou pas. T'sais. Pour la personne qui l'écoute, ça fonctionne ou pas. Ça fait vibrer ou pas, tu sais, c'est pas tellement important de savoir s'il y a eu un changement ou pas. Parce que la motivation, il n'y avait pas par contre de motivation en commençant l'album. D'abord, on s'est jamais dit vraiment, bon là, on fait un album, c'est chanson par chanson. Puis pas vraiment avec la motivation de dire, bon là, on va faire des chansons pour montrer quelque chose par rapport à l'image du groupe ou des trucs comme ça. C'est chanson par chanson, puis quand il y en a eu, quand il y a eu ces 9-là, on s'est dit, ben, c'est quand même assez long. Il y a Belzébuth qui dure 9 minutes 20, puis il y a les autres, bon, ça fait quand même pas mal de musique. Ça faisait plus, même en temps de musique, là, ben techniquement, là, c'était plus long que le premier album, même. Je me suis dit, bon, ben là, on a un album. On va les enregistrer, puis on va travailler sur chaque chanson peut-être un peu différemment. Puis c'est ça qui va être l'album, tu sais. C'est après coup, peut-être, quand on a eu fini la pré-prod, en l'écoutant, on s'est dit, ouais, c'est plus différent. Mais, par contre, sur le premier album, il y avait aussi des limites. Moi, par rapport à certaines chansons, j'aurais peut-être voulu avoir peut-être un son de guitare ou quelque chose, une couleur ou un jeu. Des additions, ceux qu'on aurait pu faire dans la musique qui se serait collé avec le texte un peu plus. Mais c'était pas mauvais non plus d'avoir un texte plus sombre puis la musique qui était plus légère. ça faisait comme un contraste. Que, moi, ça, en tout cas, je trouvais ça. J'aimais bien ça aussi. Je trouvais ça bien chouette. Ben, on a commencé quand même en faisant des shows, en se disant. Bon, ça a pris un certain temps avant d'accepter. Bon, on est un groupe, puis on existe, on a des chansons qui existent dans l'esprit de d'autres personnes. Bon, ben. Bon, on doit être un groupe, finalement. On doit être un vrai groupe, dans le sens. Bon, il n'y a pas de vrai ni de faux groupe, mais là, on sentait que. Ouais, c'est ça, on existe vraiment, là. Même les chansons que vous avez pas signées, comme par exemple La Maladresse, je trouve. Recoupe les thématiques qu'il y a dans l'album. Quelque chose qui revient beaucoup, c'est la solitude, détresse, puis aussi la nécessité de ne pas faire semblant. Je me rappelle sur le premier album, vous parliez tantôt, moi, une chanson que j'aimais beaucoup sur celle-là, c'était Juste une petite nuit. Et à la fin, vous disiez pas faire semblant, on va faire semblant. Dans cet album-ci, fais-moi croire que je suis pas clairée. Et dans cet album-ci, il y a toujours cette idée-là de vouloir être vrai, de limpide et toujours être amené à soi, tout seul. Il y a chanson tout seul, La Maladresse qui sort pour aller. La spontanéité. Je te disais, je sais pas comment ça se fait que. Mais c'est sûr que déjà en écrivant, moi des fois, j'aime pas tellement être tout seul. Fait qu'en écrivant, je me retrouve tout seul. T'sais. Fait que peut-être que juste le fait de se retrouver en train d'écrire, ça. Le thème-là qui ressort aussi, t'sais, entre autres. Là. Mais si on revient à La Maladresse, André est arrivé avec juste les métaphores. Toute la partie de sa chanson qui est. Puis les métaphores, je les aimais bien, toutes les images qu'il avait trouvées. Puis j'ai dit, mais est-ce que ta chanson, c'est juste les métaphores comme ça, ou ça va être en contexte, il m'a dit, ben je sais pas encore. Ben j'ai dit, moi, ces métaphores-là, si je les prends comme des images pour illustrer comment tu te sens, ben j'aimerais bien cette chanson-là, je pense, tu sais, ça serait... Puis bon, une semaine plus tard, il dit, hey, j'ai fait une scène au début, puis j'ai fait une fin, tu sais. J'aime bien ça, il l'avait enregistré sur une 4 pistes, t'sais. Puis il y avait un ami du Belgique qui est passé, qui a joué la guitare, t'sais. Fait qu'en arrivant, j'écoutais ça, j'ai dit bon, on va l'enregistrer, t'sais. Puis on la réenregistrera quand on va travailler avec l'ingénieur du son qui va monter avec le matériel, puis les micros, puis tout ça. Puis finalement, on l'a enregistré, on a passé tout un après-midi, puis le lendemain encore, on a travaillé dessus. Finalement, on a gardé ça, ce qu'on avait enregistré, parce qu'il s'est passé vraiment une bonne... Il y a eu un bon travail qui était fait là, ces journées-là. Puis justement, c'est ça, lui, il avait... Bon, là, il avait mis le début, où est-ce qu'il disait à quelqu'un qui lui demandait comment ça va. Puis quand on se fait demander ça, comment ça va, puis que ça va, ouais, plus ou moins bien, tu sais, on peut bien répondre, ouais, ça va bien. Mais dans le fond, tu sais, si on disait vraiment tout comment ça va, j'ai dit... Là, il l'a placé comme ça. Au lieu de dire « Ouais, ça va bien », bon, ben, si au début, il dit « le cerveau qui fonctionne », te dirait le bonhomme qui parfois se sent comme « Paf ». Là, il est parti ses métaphores, puis après, il dit... Après avoir tout dit ça, il dit « Mais ce soir, j'ai pas envie de parler ». J'ai dit « Bon, ça tombait vraiment, ça punchait pour moi au bout, là ». Finalement, on a tout enregistré cet album-là. Puis oui, c'est vrai qu'après coup, tu dis bon, ben il y a le répondeur. En plaçant les tunes après, je dis ah, ben, tu sais, on pourrait mettre ça dans le répondeur. Après ça, t'as comme quelque chose qui ça se recoupe un peu, tu sais. Comme ça, il y avait des liens qui se faisaient en plaçant les chansons comme ça. Mais c'était pas. J'espère que ça te déprime pas, l'album, tu sais. Non, pas du tout. Dans le sens que... Non, c'est un album lucide, beaucoup, qui nous amène. Beaucoup d'interrogations. Tant mieux, parce que moi, si ça pose une question, déjà, c'est bien pour moi. Parce que, bon, amener des réponses avec les chansons, en tout cas, pas pour tout de suite. T'sais. On dirait quelque chose qui est de deux très gros points d'interrogation, l'amour, puis la mort. Ah ben oui, puis je le dis aussi dans la chanson, l'amour, la mort, puis tout, c'est des questions trop grandes pour moi aussi. Est-ce mais que c'est, vous sentez, ça reste des questions toujours. Vous vous sentez dépassé Par ça, par le... Ah oui, des fois, ouais. Ah, c'est sûr. Ouais. Est-ce Ça que c'est beaucoup de comprend. côtoyer la mort à travers votre ami qui vous a fait... Ben là... Parce que vous êtes pas vieux, souvent les gens se posent ce type de questions-là, rendu Ouais, ben moi, à... ça, ouais, ça Ça a m'a fait accéléré. un choc, c'est sûr, là, parce que j'avais... C'est la première fois que... Quelqu'un qui... Qui est proche? Ouais, que j'avais vraiment quelqu'un de proche qui mourait. Avant ça, bon, il y a des gens que j'ai connus qui sont morts, que je les connaissais pas autant que lui. J'avais pas été aussi proche qu'eux autres, que ça, d'eux autres. Puis, wow, j'ai pris un peu conscience, un peu plus. Puis ça, je me suis rendu compte, en tout cas, que j'avais déjà eu peur, puis que là, ça me. Que là, j'haïssais ça. J'avais. Ce sentiment-là envers. Ah, mais un mélange aussi, j'étais mélangé parce qu'en même temps, l'exemple que j'ai eu, comme moi, puis qu'on a tous eu par rapport à Pat, c'est que lui, bon, il l'avait bien accepté, parce qu'il vivait vraiment pleinement, là, tout en sachant que ça allait arriver, c'est sûr. Peut-être que il y avait peut-être des longs moments où il n'avait pas l'impression lui-même que. Il était malade à ce point-là, tu sais. Mais en tout cas, il était vraiment très présent, puis très, très vivant, même en sachant ça, tu sais. Fait que c'était un exemple, tu sais, d'acceptation de ça, puisque, bon, on peut pas faire autrement, tu sais. Mais en même temps, moi, j'ai des centaines de questions toujours, tu sais, que je me pose, tu sais. Comme par rapport à ça m'amène à me demander, ah ben, est-ce... On a quand même le réflexe de repousser la mort toujours plus loin. Tu sais, je pensais à la médecine. Là, il y a tout, depuis des centaines d'années, on l'idée que si on peut repousser la mort toujours plus loin, tu sais, on le fait. Fait que, tu sais, en tout cas, ça, c'est des grandes questions. Tu sais, il y en a qui ont créé des briques là, par rapport à ces grandes questions-là. Puis... Mais moi, j'ai pas de réponse vraiment, là. Mais je peux pas m'empêcher de. Oups! De ressortir ça dans des chansons. Serait-ce que pour savoir s'il y a d'autres personnes qui se posent aussi ces questions-là. Voilà. Vous avez terminé l'album avec Dehors novembre, qui est aussi le titre de l'album, Ouais. et vous l'avez écrite au jeu, alors que c'est comme si vous vous Ouais. mettiez dans la peau justement de votre ami. Ouais, Est-ce ça, que j'aime. c'est une façon de le graver sur votre album, qui soit là quand même, comme c'est un peu Non, en sa fait, moi, parole? j'ai trouvé ça un peu étrange moi-même parce que je me disais, bon, ben, si je fais une chanson pour parler de ça, puis ça serait. J'avais envie de le faire. Mais bon, si je me disais, si j'en fais une, je me rendais compte que je la faisais au jeu. Je me disais, j'avais le réflexe de me mettre à sa place plutôt que d'essayer d'y parler ou. Tu sais, dans les chansons comme ça, des fois, on parle à la personne qui est partie, mais je me dis, bon, ben non. C'était pas comme ça. L'angle, là, je voyais pas cet angle-là. Ça venait assez spontanément. L'angle que finalement j'ai adopté, là, ça c'est venu assez spontanément. Mais je trouvais ça un peu gênant au début. Je me disais, c'est quasiment prétentieux, là, tu sais. Je peux pas me mettre à sa place non plus. Mais. Bon, fait que je l'ai commencé, j'ai arrêté, puis je l'ai fini plus tard. Parce que quand je l'ai relu, je me suis dit, ben, c'est bien honnête, là. C'est comme ça que j'ai envie de parler. Puis en même temps, ça donne. C'est pas son point de vue à lui, vraiment, parce que bon, il est pas là pour Pour corriger. l'endosser, ouais. Fait que c'est peut-être comment moi, je percevrais ça, tu sais. Puis il est différent un peu de lui, parce que je me suis rendu compte en l'écrivant que j'ai. Des fois, c'était plus son point de vue à lui, mais par contre, tout de suite après, c'était plus le mien. T'sais, son point de vue à lui, il y avait un espoir, un grand espoir là-dedans. Mon point de vue à moi, c'était différent. C'était genre, la planète tourne, elle n'est pas supposée tourner sans moi. Ça me faisait plus chier, tu sais. Ça me ferait plus chier, en tout cas, je pense, que lui, de me retrouver dans la même situation. Mais c'était une chanson pour moi. Le fait qu'on ait pris ce titre-là, ben, je trouvais, j'étais content du texte, puis les autres chansons aussi, les autres titres ne faisaient pas vraiment des bons titres d'album, mais ça aurait pu, l'album aurait pu avoir un autre titre. Je voulais pas qu'on, nécessairement, là, qu'on prenne ce titre-là pour donner une lecture de tout l'album, mais ça fait ça un peu, mais chaque tune finit par vivre d'elle-même, là, éventuellement, fait que, puis si au moins qui est complètement différente, puis tout seul, puis même Tassez-vous, puis Belzébuth, qui est assez, c'est quand même, même si Belzébuth, ça peut, il peut avoir des choses qui se recoupent dedans, c'est quand même assez loin de ça. Ça finit, ils finissent par vivre. Même comme là, Tassez-vous, ça joue beaucoup un peu partout. T'sais. Puis on pense pas nécessairement à quelque chose d'aussi sombre de dehors novembre. Là. Parce que dehors novembre, en plus, par rapport au premier album, ce fois-là, on a justement rajouté des fois une guitare avec un son, avec un autre son, si tu veux. On a mis des trucs dans l'arrangement aussi qui allaient rejoindre un peu plus le côté sombre du texte. Alors que dans le premier, des fois, dans le premier, les arrangements qu'on avait faits, c'est des arrangements de spectacle, on les a gardés comme ça. On s'est pas arrêté vraiment pour faire l'album, puis bon, on recommence des arrangements pour dire, par exemple, dans la chanson comme Dédé, la musique est peut-être trop légère tout le temps pour ce qu'on parle dans le texte. Il y avait un moment au moins dans la chanson où, oups, on s'arrête un peu comme dans Tassez-vous, on a fait ça, tu sais, même si bon, c'est un beat reggae, c'est ensoleillé pareil, à un moment donné, il y a le solo d'Armo, puis on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête, là, comme ça. Ben, je suis content, moi, de cet arrangement-là, l'idée qu'on a eue, là, moi et Mike et André, à force de la réarranger, là. Quand on est arrivé à cette idée-là, j'ai dit, ah, j'aime ça parce que ça s'arrête, ça devient pas grave, sortez violente, le kit, mais c'est juste assez pour ramener le peut-être l'auditeur là, à ce qu'il y a de pas drôle dans tout. Mais c'était vraiment une chanson, moi, pensez-vous, sur le drôle de culpabilité qu'on peut avoir quand on laisse tomber quelqu'un qui en demande beaucoup. Là, en parlant de cette chanson-là, vous venez d'évoquer l'instrument, le violon. Et justement, dans Dehors novembre, pour la terminer, la chanson fait un parallèle entre l'harmonica puis le violon. Quand vous parlez de l'harmonica, vous dites « Et puis ça pleure comme si c'était conscient de son sort ». Vous faites de l'harmonica un instrument vivant et, et vous l'écrivez au féminin en étant conscient que c'est un instrument masculin. j'ai tous toujours... Tous les harmonicistes, aussi, Alain Lamontagne m'a déjà dit ça aussi, qu'on a tendance aussi à dire une. Oui, j'ai tout le temps dit une harmonica, l'harmonica. C'est peut-être à cause de l'harmonica, ça fait la, je sais pas quoi, mais moi, je m'en suis rendu compte plus tard. Je pense que quelqu'un m'a fait remarquer, il m'a dit, ben harmonica, c'est pas féminin. J'ai dit, ah, merde. Je dis, je le laisse de même. Comme je dis tout le temps Kalichnikov au lieu de dire Kalachnikov, puis finalement, ça s'est retrouvé écrit comme ça dans la pochette, Kalichnikov. C'est pas ça du tout, c'est Kalachnikov. Dans Pissy au moins, tu sais. J'ai dit, si jamais il y a un concours, des fois, il y a des concours des radios, là, puis il faut trouver quelque chose dans le texte. Là. J'ai dit, bon, Pissy au moins, il y a une erreur, là, une grave erreur. Là, c'est ça. Mais excuse, pour finir l'harmonica aussi, là-dedans, c'est une des choses, ça, j'ai gardé ça, finalement, je me suis souvenu de ça, c'est que à un moment donné, j'ai vu Pat, l'harmonica, je connaissais pas ça tant que ça, tu sais. Je connaissais le son, ce que ça faisait, j'aimais beaucoup ça, puis quand je jouais Pat, j'ai dit, ah, j'aimerais ça, moi, j'en avais parlé, de jouer dans le groupe. Mais aussi, j'ai remarqué un peu plus tard que lui, il était le seul qui jetait ses instruments. Parce que son instrument, lui, l'harmonica, si tu joues beaucoup avec, à un moment donné, ça prend pas même de temps, ça peut prendre comme un mois, puis l'harmonica est plus bonne. Il faut l'acheter. Puis cette image-là m'a frappé parce que je me suis dit, oh, c'est drôle, Pat, tu sais, c'est comme son instrument meurt, il la jette, il l'enterre, je sais pas quoi, ça faisait bizarre. Puis je me suis dit, Pat, c'est le seul parmi nous autres, sais, qui avait un instrument éphémère. Qui a un instrument éphémère. Lui, on sait qu'il va partir. Puis en plus, il joue d'un instrument qui meurt. Je le voyais jouer de ça, puis l'image me frappait. Voilà. Je me suis souvenu finalement, puis j'ai dit, je l'ai noté, j'ai gardé ce truc-là pour la fin. Je disais, à la fin, il faut que son instrument se marie, là, se colle avec lui, puis qu'on entende son instrument juste comme au bout de la chanson, là. Un dernier coup, vous, comme ça, tu sais. Mais bon, c'est de la création qui est faite bizarrement. C'est fait avec plaisir quand même si c'est pas drôle, même si c'est tragique. C'est fait quand même avec un plaisir. Je me dis qu'elle. Un auteur qui a pu écrire un requiem, il a dû le faire avec un plaisir quand même. C'est étrange. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire, Solo d'Armo? C'est le nom de vos éditions aussi. Ah oui, ça c'est dans la... Ben, d'ailleurs, c'est Armo, c'est venu de Pat, parce qu'il disait l'Armo. Tu dis l'Armo, celui c'est un français. Fait que... À un moment donné, je faisais tout le temps dans Julie, blibab, blibab, j'étais, blibab, blibab, des trucs comme ça. Puis là, c'était vraiment, tout le band arrêtait. Puis là, je faisais une phrase de ce genre-là. Puis il y avait le solo d'harmonica après. Puis je l'ai fini en disant solo d'armo. Blibab, blibab, solo d'armo. Ça fitait bien avec la sonorité de mes espèces de solo de voix là, que je faisais. Là. Puis c'est ça, un peu plus tard. Il fallait ouvrir une petite compagnie là, pour faire les éditions de mes chansons. Puis c'est le gérant finalement qui s'occupait de ça, faire les papiers, me les amener, puis l'affaire. Puis là, il a dit, bon, ça prend un nom, il avait oublié de me demander ça. Puis c'est lui qui finalement, il a toujours aimé ça, Solo d'Armo, parce qu'il avait découvert ça un moment donné. Il dit, je viens de découvrir, parce qu'on avait écrit les paroles, je viens de découvrir que... Dans les paroles, tu dis solo d'Armo, puis là, c'est solo d'harmonica après, puis il riait, il trouvait ça bon. Puis finalement, il a appelé ça comme ça. T'sais. Vous avez un site officiel sur Internet, ouais. Hein, colloque.qc.ca. Et quand, dès la première page, vous souhaitez de faire de ce lieu-là un lieu où les poètes, les musiciens et les artistes des arts visuels s'entrechoqueront. Pour faire avancer la cause des arts et de la création. Là, le petit texte en moi, il a changé, tu sais, parce que c'est pas moi qui avais écrit pour faire avancer la cause de ça. Puis quand j'ai parlé à Thierry, j'ai dit, wow, c'est pompeux un peu, je trouve, Thierry, là, la cause. J'ai dit, mais ce serait le fun, pareil, qu'il y ait du monde qui mette un texte. Là. Parce que je me suis souvenu de Alan Lord qui m'avait appelé sur le répondeur pour la chanson « Bon Dieu ». C'était quelqu'un qui m'appelle, je connaissais pas. Puis il me dit « J'ai une toune là, pour vous autres, je pense que ça pourrait bien coller, vous pourriez faire un bon arrangement. » Puis j'ai dit « Ça s'appelle « Bon Dieu, donne-moi une job ». Je trouvais ça vraiment sympathique, « Bon Dieu, donne-moi une job ». On est tellement désespérés par rapport au job qu'on appelle Dieu pour qu'il nous donne une job. Je trouvais la joke vraiment bonne. Puis j'ai dit, ben, chante-la, je vais t'enregistrer sur le répondeur. J'avais comme un Play Records sur le répondeur. Il dit, OK, va chercher sa guitare, je vais l'enregistrer. Tu sais. Ben, je me dis, sur Internet, bon, s'il y en a qui décident d'écrire un texte et de mettre sur Internet, tu sais, on peut communiquer avec eux autres. Puis là, j'avais vu aussi dans le gros plan de maison que Thierry a trouvé, celui qui a fait le site, il y avait une grande pièce. On se demandait, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis j'imaginais, il y avait des petits carrés, puis j'imaginais qu'il y avait des genres de colonnes, là, puis des œuvres d'art. J'ai dit, bon, on va appeler ça le musée. Puis s'il y a un photographe, on aime les photos, là, on pourra toujours les scanner puis faire une exposition de ces photos pendant un mois dans notre musée. Là. On trouvait ça drôle d'avoir une maison qu'on n'habiterait jamais. C'est tellement grande. Puis je pense que cette maison-là existe en Allemagne, quelque part. Il a pris ça dans un livre, Thierry. Mais là, c'est ça, le site, on n'est pas encore avancé. C'est comme vous, il est toujours en évolution, ouais, en construction. Ça, il faut. Quand Fred Fortin était en promotion, il parlait beaucoup en bien de vous. Est-ce que vous sentez une certaine fraternité? Ah ouais, ben d'ailleurs, moi, la façon dont j'ai rencontré Fred, c'est que j'ai entendu un démo Puis on faisait des shows au Club Soda pendant ce temps-là. Je l'ai appelé à Saint-Félicien. Quelqu'un m'a dit, c'est un gars de Saint-Félicien, c'est un fortin. Il y en a mon bout, tu sais. Mais lui, il a peut-être... on a peut-être 9 ans de différence, quelque chose comme ça. Ben, je le connais pas, ça fait longtemps que je suis arrivé à Montréal. Si on a 9 ans de différence, moi, je suis arrivé à Montréal à 18 ans, donc lui, il avait juste 9 ans. Et c'est sûr, je le connais pas. Fait que j'ai écouté ça. J'ai dit, mais c'est vraiment bon, ce qu'il fait. Ça m'a touché. Fait que je l'ai appelé, c'est ça. Il est venu faire une première partie au Club Soda. Puis là, il disait, il voulait faire un album, mais ben, j'ai dit, tu devrais, c'est bon. J'ai dit, on va essayer de voir, tu sais, comment tu pourrais faire l'album. Puis je voyais aussi que je me disais, il y a personne qui va pouvoir lui dire comment faire, même si là, il sait pas encore comment il veut faire son album. Mais il avait l'air à être, ça avait l'air bien important pour lui de faire ça à son goût, puis bon. On a trouvé quelque chose, mais il est revenu à Montréal, il a peut-être habité chez moi pendant un bout de temps, là, et il y avait 4 tracks, il répétait un peu, il a trouvé des musiciens, j'ai dit, ben, j'ai un grand local, ça peut peut-être t'aider, tu sais, fait que, finalement, il a fait son album, il est sorti ça, puis j'ai trouvé ça vraiment bon, son album, ça m'a frappé, là, ça m'a fessé, son album, là. C'était trop bon, frère, là, ça n'a pas de bon sens, t'sais. Puis là, je pense qu'il en écrit encore, il continue, il est retourné à Saint-Félicien. Je pense que ça, là, pour le premier album, même si c'était exceptionnel, ça a peut-être pas tourné énormément, tout ça, fait que il a pas fait autant de shows, je pense, qu'il voulait, puis il a pas vendu d'album autant qu'il aurait souhaité, tu sais, pour le premier, mais il a vraiment à piqûre, et il est fait, lui, il va en faire encore, c'est ça. En terminant, est-ce qu'on peut vous souhaiter que cet album-là, ou que le bon Dieu vous donne pas mal de jobs avec cet album-là? Ah ouais, il faut payer le loyer. 4000 vies. J'espère bien. OK, je vous remercie beaucoup, André. De rien.